Pour un bon repas en famille ou seul, c'est au restaurant Midas qu'il faut aller. Menu adapté à tous les budgets, servi par un personnel courtois et affable. Le propriétaire, M. Danny Potvin, souhaite un franc succès aux organisateurs du triathlon de Saint-Félicien et un bon congé de la fête du travail à tous ses clients. Restaurant Midas, 1084 route 169, 418-679-0900. Voici votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional au microphone de Danny Veilleux. On va ouvrir le bulletin de sport local et régional d'abord en parlant de Jérémy Fortin de Dolboum-Cessny qui est très heureux évidemment. Il a percé l'alignement des Saguenayens de Chicoutimi. Jérémy Fortin qui a mentionné qu'il n'y a pas eu de discussion encore avec Yannick Jean concernant son utilisation avec les Sags pour la prochaine année. Non, pas encore. Là, on est encore au début, on n'a pas encore vraiment parlé de l'utilisation que j'allais avoir pour mon rôle dans l'équipe. Okay. Je m'attends à être un joueur qui travaille une 3-4e ligne. Là, je sais pas encore. Dans un deuxième temps, ben, Jérémy Fortin mentionne évidemment qu'il ignore aussi le match contre les Saguenayens contre les Remparts de Québec où il a fait une bonne prestation. Ben, ça l'a aidé à faire l'équipe. Honnêtement, je sais vraiment pas. Je sais pas si l'équipe était déjà faite avant ou après, parce qu'il y avait des joueurs qui jouaient pas. Mais on savait une team, j'aurais vraiment aimé ça qu'on gagne ce game-là. Ça aurait été plus de fun, mais je sais pas, je pense pas. Je sais pas me rendre là-dessus. Okay. Comment t'as trouvé jouer à Dolboum-Cessny? Et dans un dernier temps, Jérémy Fortin a beaucoup aimé l'expérience de jouer comme ex-sportif du secteur de Dolboum vendredi soir. Puisqu'il est question de hockey, on a parlé avec Samuel Girard également. Samuel Girard qui a connu un bel été. Il est de retour évidemment au camp d'entraînement. Il se prépare actuellement pour partir pour Nashville où il va participer au camp des Prédateurs de Nashville. Dans un premier temps, il mentionne évidemment qu'il a participé au camp d'évaluation d'équipe canadienne cet été et ça a quand même bien été pour le défenseur de Robert. Oui, écoute, ça a très bien été. Là. Mon camp a très bien été. J'ai joué la game qu'il fallait que je joue. Puis j'ai pas vraiment d'autres mots à dire. Là. C'est sûr que j'avais bien préparé avant. Si à Montréal, j'avais patiné un petit peu. Après, je m'avais bien entraîné. Je m'entraînais pas aussi dans le gym. Alors, je te dirais que oui, mon camp a très bien été. Puis, je te dirais qu'il peut se rassembler, mais qu'en même temps, il peut pas non plus. Samuel Girard, évidemment, s'attend à être échangé au cours de l'hiver. Oui, c'est sûr que je me suis mis dans la tête. Ça fait depuis le repêchage du Major du Québec là, que j'ai ça dans la tête pas mal. Il y avait des rumeurs, je veux pas, puis il y a encore des rumeurs que je vais être échangé aux fêtes. Puis ça, je m'en attends. Là. C'est sûr que je me le mets dans l'idée, puis je me dis pas que je vais rester absolument à Shawinigan. C'est sûr, ça va venir la décision Martin Mondou, là, qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Puis s'il va reconstruire aussi pour les prochaines années. Alors, mais comme je dis, on a une très bonne équipe là, dans... En offensive, défensive, puis aussi dans les buts, c'est Michael Denisov l'année passée, il a fait un gros job, il a été nominé sa première équipe de la toile, fait qu'il est capable de gagner des games à lui tout seul. Okay. J'ai bien hâte de voir qu'est-ce qui va arriver. Okay. Zachary Boutillier, le gardien de but, les Saguenay ont acquis hier. Il se prépare à partir pour le camp d'entraînement des Prédateurs de Nashville avec la même attitude qu'il a eu l'an passé. Je pense que la même mentalité là-bas, là, que je t'ai joué l'année passée. Moi, mon but, c'est de faire l'équipe à ma place. Puis, tu sais, l'année passée, oui, j'ai connu un bon camp. J'ai joué deux games préparatoires avec eux. Ça m'a permis aussi de voir comment que c'était aussi jouer devant une grosse foule, comme j'ai joué à Nashville devant 17 000 personnes. Fait que c'était vraiment gentil de la part de l'organisation de faire jouer ce match-là. Puis, c'est sûr, ça va m'aider. Je vais arriver au camp. Puis, surtout cette année, là, c'est ma deuxième année, je vais savoir à quoi m'attendre. Puis, je vais savoir c'est quoi aussi tout le déroulement. Tu vas être moins stressé, puis ça va mieux aller que l'année passée. Ben, que, oui, tu sais, moi, mon objectif, c'est vraiment de faire l'équipe et d'aller plus loin. Et ça va être plus fun aussi, parce qu'on a vu le buzz l'année passée. Deux petites nouvelles en terminant. Jonathan Paiement sera de retour avec les Marquis la saison prochaine. Celui qui a été choisi le meilleur défenseur de la Ligue en sera sixième année avec les Marquis. Et au judo, c'est au championnat du monde qui se déroule actuellement en Hongrie. Antoine Bouchard a subi l'élimination hier contre le Français. Kiam Leblouch, donc il est le 60e au monde. J'invite à écouter la section entrevue de danradiosport.com. Hier, on a parlé avec Paul Morel. C'est en fin de semaine, c'est le Challenge Cycliste Desjardins des Bleuets. Donc, on va suivre ça de près. Samuel Girard vient nous parler des cataractes de Shawinigan hier et également de sa préparation en vue du camp des Prédateurs de Nashville. Et François Laberge vient nous parler des Gaillards de Jonquière qui débutent leur saison en fin de semaine et Gaillards qui ont 10 joueurs natifs du Haut-du-Lac-Saint-Jean sur l'alignement. Le sport local et régional à danradiosport.com, la référence du sport, on s'en occupe.